tu t'appelles Elisabeth. Mais tout le monde t'appelle Zaza, Babette ou Babou. À Pâques, comment s'appellera ton œuf en chocolat, Jeff de Bruges? Eh oui, avec Jeff de Bruges, on peut faire inscrire gratuitement son prénom ou son surnom sur un délicieux œuf en chocolat. À partir de 13 euros l'œuf de Pâques personnalisé. Jeff de Bruges, le plaisir a un nom et un prénom. En boutique, en click and collect et par coursier. Rendez-vous sur jeffdebruges.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'opération Condor en Amérique du Sud, l'implication française. Le Condor est un rapace majestueux. Le Chili l'a choisi comme emblème. Mais le Condor est aussi celui, dans les années 70, d'une guerre sale, menée de concert par les dictatures militaires du cône sud, la zone la plus australe du continent américain, alliée des États-Unis dans la lutte contre le communisme. Ainsi, en 1975, le Chili, l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine coordonnent leurs services de renseignement pour traquer les opposants à leur régime, même en dehors du continent américain. Le tout avec l'appui sporadique du Brésil et de la Bolivie. C'est en 1992 que cette affaire a été révélée quand on a ouvert les bien nommées archives de la terreur. Avec la complicité tacite des États-Unis et de la CIA, dans la crainte que la révolution castriste de Cuba ne fasse tache d'huile, les dictatures fascistes d'Amérique du Sud ont appliqué une sorte d'internationale de la répression en traquant, torturant et assassinant les subversifs, expression fourre-tout qui permet de faire de n'importe qui un potentiel suspect. Or, c'est aux militaires français que les dictateurs d'Amérique du Sud doivent cette doctrine dite de la guerre anti-subversive. Mais oui, la guerre d'Algérie notamment est passée par là. Notre invitée aujourd'hui, Marie-Monique Robin, journaliste et autrice de l'enquête « Escadron de la mort, l'école française » parue en 2003. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Constance Villanova, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le 22 décembre 1992, c'est le printemps austral dans les rues de Lambaré, en banlieue paraguayenne d'Asunción, capitale du Paraguay. Malgré la chaleur et l'humidité écrasante, Martin Amalda reste élégant. Le Paraguayen militant pour les droits de l'homme est surtout rongé par l'appréhension, car un anonyme vient de le prévenir que des archives sur la dictature militaire se trouveraient dans un commissariat désaffecté de la ville. Arrivé sur les lieux, il n'en croit pas ses yeux. Devant lui s'étalent 593 000 pages d'archives qui listent les noms de dizaines de milliers de victimes des dictatures en Amérique du Sud. L'ancien instituteur en est une lui-même, pris dans les filets du dictateur Alfredo Stroessner, qui a dirigé le Paraguay de 1954 à 1989. Arrêté le 24 novembre 1974, accusé d'être un commandant guérillero, Almada, syndicaliste alors âgé de 37 ans, est torturé pendant des semaines par la police secrète de la dictature militaire et son épouse Celestina est morte d'un infarctus quand les tortionnaires lui ont fait écouter un enregistrement des cris de douleur de son mari. Méthode sadique, infinie cruauté, qui marque, c'est la marque de fabrique de tous ces régimes sud-américains dans les années 70. Après un long séjour dans le camp de concentration d'Emboscada en 78, Almada s'est installé en France et a décidé de rentrer au Paraguay après la chute du régime en 1989, bien décidé à faire la lumière sur ces années d'horreur. Dans les archives de la terreur qui ont permis la découverte du plan Condor, Almada découvre les griffes du rapace. Une coopération entre les services de renseignement des dictatures du cône sud entre 1970 et 1980, scellée officiellement le 29 octobre 1975. À Santiago du Chili, sur l'une des plus larges avenues de la ville, trône l'Alameda, imposante bâtisse à la fois académie de guerre et de renseignement. À l'intérieur, les colonels, commandants et capitaines de 6 pays latino-américains fascistes se retrouvent dans une ancienne salle de réception au plafond voûté. La réunion est secrète. Si l'Argentine n'est pas encore entrée dans la danse des dictatures militaires, elle est en proie à un chaos politique terrible. Alors, avec les galonnés chiliens, paraguayens, uruguayens et boliviens, les Argentins unissent officiellement leurs forces contre la subversion, comprenez le communisme international. C'est l'acte de naissance d'une multinationale de la répression et des crimes, Opération Condor, qui en réalité sévit depuis déjà 5 ans. C'est le sinistre Manuel Contreras, chef de la DINA, police politique de Pinochet et homme de confiance du dictateur au pouvoir depuis 2 ans, qui ouvre cette semaine de réunion. Son discours est retrouvé en 1986 dans les archives d'un ancien dignitaire de la police chilienne. La subversion n'a ni frontières, ni pays, et son infiltration pénètre jusqu'au moindre niveau de la vie de la nation. La subversion a mis au point une structure du commandement intercontinental, continental, régional et sous-régional. Pour l'Amérique du Sud, nous citerons par exemple la conférence tricontinentale de la Havane, la junte de coordination révolutionnaire, etc. Autant de structures qui se donnent des dehors sympathiques à travers toutes sortes de comités de solidarité, de congrès, de tribunaux, de réunions, de festivals, etc. En revanche, les pays attaqués sur les fronts militaires, économiques et politiques n'ont tout au mieux pour se défendre que des accords bilatéraux ou de simples gentlemen agreements. À Santiago, les généraux actent les 3 phases du plan Condor. 1. Créer une banque de données des subversifs. 2. Monter des opérations transnationales dans la région. 3. La plus secrète, s'attaquer aux opposants des régimes hors de la zone de contrôle. Un plan mis au point avec la bénédiction des États-Unis et particulièrement d'Henry Kissinger, secrétaire d'État de Richard Nixon, puis de Gerald Ford, et avec l'appui de la CIA pour certaines opérations. La psychose anticommuniste provoquée par Fidel Castro à Cuba et l'opposition Est-Ouest de la guerre froide donnent carte blanche aux tortionnaires. Leur méthode, constituée d'enlèvements et de disparitions, n'est en fait qu'une mise en application pure et simple de la doctrine imaginée en Indochine et appliquée en Algérie par des généraux et colonels français. On l'appelle curieusement guerre révolutionnaire, anti-révolutionnaire ou anti-subversive, qu'importe. De 1956 à 1963, les militaires malades de l'Indochine, minés par les carnages imprévisibles du Vietnam, ont formé toute la génération montante des militaires argentins, chiliens, brésiliens. 1956. Dans les casbahs d'Alger, la France se retrouve empêtrée dans la dernière guerre coloniale de son histoire, au cœur d'un maquis urbain qu'elle ne maîtrise pas. Face à des commandos du FLN, entraînés et tenaces, qui frappent partout à coups d'attentats à la bombe en pleine ville, l'armée française, qui avait l'habitude jusque-là de se battre sur un front unique, est déstabilisée. Depuis l'Indochine et la stratégie militaire de l'opposant, l'ennemi ne porte plus d'uniforme et les populations servent de base aux rebelles. Alors, le peuple devient suspect. C'est le colonel Charles Lacheroy qui théorise la guerre contre-révolutionnaire. C'est un ancien élève de Saint-Cyr qui a choisi l'infanterie coloniale pour assouvir ses rêves de voyage, dit-il. Ce combattant de l'Indochine multiplie les conférences dans les écoles militaires. En octobre 1957, dans les derniers sursauts de la bataille d'Alger qui oppose indépendantistes du FLN et soldats français, l'armée française crée les 5e bureaux de l'état-major en charge de l'action psychologique. Autrement dit, de la prise en main de la population et de la protection du moral de l'armée. Sous l'impulsion de ce colonel Lacheroy, le concept de guerre psychologique et révolutionnaire fait son entrée dans les programmes officiels des écoles militaires. L'armée désormais multiplie les opérations de police. Preuve en est, en avril 1957, alors que la bataille d'Alger bat son plein, cette vidéo diffusée dans les centres de formation de l'armée française. Il n'y a pas de front, il n'y a pas de guerre. L'ennemi n'est nulle part et partout. Il s'agit d'être présent et de s'attaquer partout où on la trouvera à la cause première du mal, la cellule terroriste. Problème ardu. Ces membres sont là, dans cette foule anonyme. Qui sont-ils? Comment les trouver? Il n'y a aucune règle absolue. C'est l'affaire de renseignement, d'astuce et de patience. Ces différentes actions menées par l'armée sont complétées par une action psychologique directe destinée à contrebattre la propagande adverse. C'est le rôle des compagnies de haut-parleurs qui rétablissent la vérité et font connaître, jusque dans les douars les plus reculés, les véritables desseins pacifiques de la France. Partout où l'armée est présente, cette prise de contact, recherchée systématiquement à tous les échelons et par tous les moyens, a permis à la communauté musulmane de reprendre confiance en la France. Mai 1958, côte algérienne. Sous le soleil de plomb de la ville antique de Philippeville, Jacques Chaban-Delmas, ministre de la Défense, inaugure le centre d'instruction à la pacification contre la guérilla. Tout un symbole, 3 ans après les massacres commis dans cette même ville par les indépendantistes du FLN et par l'armée française, qui ont fait entre 3000 et 5000 morts. Et c'est l'ineffable Charles Lacheroy qui est à l'initiative de la création de cet organisme, avec un autre officier d'état-major, Raoul Salan, celui-là même qui s'illustrera dans le putsch d'Alger contre le général de Gaulle 3 ans plus tard. Véritables écoles de torture pour futurs chefs du renseignement gérés par les vétérans de l'Indochine, ces centres d'instruction accueillent des stagiaires du monde entier et surtout d'Amérique latine pour 3 à 6 semaines. Aux manettes du centre de Philippeville, Marcel Bijard, connu pour sa méthode dite de crevette Bijard pendant la guerre d'Algérie. On jette les victimes droguées mais vivantes d'un hélicoptère en mer Méditerranée, les pieds coulés dans une bassine de ciment. Une pratique qui prendra le nom de vol de la mort, version dictature chilienne et argentine. Il faut attendre 1961 pour que la méthode anti-révolutionnaire ait son manuel. Intitulé « La guerre moderne », écrit par le général Trinquier, ce document devient la bible de toute une génération de militaires français et étrangers. Cet ancien instituteur des Alpes-Maritimes théorise la répression en zone urbaine. Il s'agit désormais de former des équipes de sabotage, de s'appuyer sur les autochtones, d'user du renseignement et surtout de la torture. L'usage de la GGN, petite dynamo de production de courant électrique, symbole de la torture infligée aux combattants de l'indépendance algérienne, est ainsi justifié et même théorisé. L'argument, l'efficacité. Comme le confirme cette interview du commandant Massu, investi de tous les pouvoirs pendant la bataille d'Alger. Les bombes existaient dans Alger, nous le savions, elles avaient en 1956 déjà éclaté bien souvent. Donc il fallait les trouver. Alors, les interrogatoires, l'urgence était telle, si on ne voulait pas que de nouvelles bombes sautent avant que nous ne les ayons trouvées, et les hommes qui les manipulaient en même temps, l'urgence était telle qu'il a fallu accepter, m'a-t-il semblé en conscience, qu'il a fallu accepter l'emploi de méthodes d'interrogatoire musclées. Avec la torture, la Grande Muette inaugure la méthode de disparition forcée. Loin d'être un raté du système de la guerre antisubversive, la dissimulation massive du corps des opposants devient une arme de la guerre contre-révolutionnaire. D'abord, pour son aspect pratique, elle permet de se débarrasser des cadavres encombrants, et surtout pour terroriser l'arrière et mater la population. En 1959, les armées françaises et argentines signent un premier accord pour la création d'une mission française permanente dans une Argentine en proie à des violences civiles et une instabilité politique. Les assesseurs français, anciens de l'Algérie, s'installent au siège de l'état-major du pays. Dans l'école de guerre de Buenos Aires, les frustrés de l'Indochine enchaînent les conférences sur la doctrine française qu'un certain Rafael Videla applique sans vergogne. Difficile dans ces conditions de ne pas faire le lien entre les leçons françaises et les disparitions forcées de 22 000 Argentins enlevés secrètement quand Videla était au pouvoir de 76 à 83. Au manuel du petit apprenti de la guerre sale de Trinquier, traduit en plusieurs langues, s'ajoutent les images. En 1966, Gilles Pontecorvo réalise le film « La bataille d'Alger », reconstitution du soulèvement de la population algérienne et du FLN contre le pouvoir français. Pourtant anticolonialiste, mais par un détournement pervers dû à son réalisme, le film est projeté dans les écoles militaires d'Argentine comme introduction, oui, à la guerre anti-subversive et à l'utilité de la torture. L'œuvre, si je puis dire, interdite de diffusion en France jusqu'en 1971, est produite par l'ancien chef du FLN pour la zone autonome d'Alger, Yassef Saadi. C'est comme cela, et bien malgré lui, que Pontecorvo a fabriqué une charte de la guerre anti-subversive qui servira aux dictateurs militaires et à leurs officiers. Exemple avec ce cours donné par le colonel Mathieu dans le film, en fait le colonel Bijard dans les faits. L'aspect purement militaire du problème n'est que secondaire. Celui qui est mis en évidence, c'est l'aspect policier. Je sais bien que ce mot ne vous plaît pas. Mais c'est le seul qui indique exactement quel type de travail nous devons entreprendre. Nous devons procéder aux recherches nécessaires afin de reconstituer toute la pyramide pour arriver à l'état-major. La base de ce travail est le renseignement. La méthode est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse. Dans la situation actuelle, faire preuve d'une fausse humanité ne conduit qu'au désespoir et à l'incohérence. En 1962, les accords d'Évian sonnent la fin du conflit algérien, alors que l'OAS, organisation clandestine pour une Algérie française, sombre dans la violence. Il faut alors penser l'exode des pieds noirs et surtout des militaires agités de l'Algérie. Le 19 octobre 1964, un accord franco-argentin est signé pour encadrer l'immigration de Français d'Algérie vers l'Argentine. La métropole écarte ses activistes, souvent des anciens de l'OAS. Et le président argentin, Arturo Umberto Illia, peut ainsi compter sur le savoir-faire des anciens colons français. Et Paris finance les frais de transport, entre autres. C'est que l'OAS fascine les militaires argentins. Peu fournie, l'organisation a créé les commandos Delta, son bras armé qui a fait 1500 victimes en 15 mois à la fin de la guerre d'Algérie. Ses membres sont les champions des assassinats ciblés, l'un des éléments fondamentaux de la guerre anti-subversive, et ils inspirent les militaires sud-américains pour leurs futurs escadrons de la mort. À la fin des années 60, 150 familles pieds noirs arrivent dans l'Argentine et reçoivent un accueil triomphal. Dans son documentaire Coup de poing, Escadron de la mort, l'école française, diffusé en 2003, la journaliste Marie-Monique Robin rencontre un couple d'anciens de l'OAS, tous deux condamnés à des peines de prison en France. Nicole et Michel Bézineau, sans leur nom, sont parvenus à gagner clandestinement l'Argentine en 1963. Le matin d'Alger, vous étiez ? Ah oui, on a bien rigolé. Curieuse coïncidence. Au moment où les militaires français forment les Argentins à la lutte antisubversive, les chefs de l'OAS sont accueillis à bras ouverts par le gouvernement de Buenos Aires. C'est un pays assez extraordinaire. Nicole était sous un faux nom pendant 8 ou 10 ans. Ils nous ont donné des cartes d'identité sous nos faux noms. Sans problème. Des permis de conduire, des comptes en banque, des propriétés, sous des noms dont ils savaient, eux savaient qu'ils étaient faux. À des milliers de kilomètres, un autre Français célèbre lui aussi, le général Paulo Sarès, met ses talents au service des dictatures. Pendant la guerre d'Algérie, dans l'unité du général Trinquier, il devient adjoint du général Massu qui a obtenu les pleins pouvoirs pendant la bataille d'Alger. Trinquier pense et théorise la guerre antisubversive, Sarès l'applique. Le 26 mai 1960, il donne une conférence à l'école de guerre de Buenos Aires et insiste sur la place centrale de l'armée dans le contrôle de la population, un texte traduit et publié dans la revue de l'école de guerre argentine. L'ancien de l'Algérie est ensuite envoyé, avec l'aval de Pierre Messmer, ministre français des armées, à l'école de Fort Bragg, aux États-Unis, où seront formés de nombreux militaires d'Amérique latine. Sarès donne également des conférences à Manaus, au Brésil, en plein cœur de l'Amazonie. Dans son documentaire, Marie-Monique Robin interviewe l'homme de confiance de Pinochet dans sa prison dorée. Sur cette base militaire, dans une petite maison, entourée de ses gardes du corps et de son équipement d'uniforme, le général Contreras, chef de la police politique chilienne sous Pinochet, la DINA, raconte ses rapports avec l'OAS et avec le général Sarès. Nous étions de grands admirateurs de l'OAS pour son attitude valeureuse et combative. Pour nous, c'était vraiment un modèle. Est-ce que vous avez connu le général Sarès ? Pas personnellement, mais il a entraîné des officiers chiliens au Brésil. Ah oui, Sarès. Oui, tous les deux mois, je lui envoyais des contingents d'officiers pour qu'il les forme. Il travaillait normalement au siège des services d'enseignement à Brasilia, mais il allait souvent à Manaus pour les entraînements. Ce n'était pas très amusant pour ceux qui venaient d'Argentine ou du Chili, car le climat à Manaus est terrible. cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando. Sensible. Fabrice Drouel. Alfredo Stroessner au Paraguay, Juan Marea Bordaberry en Uruguay, Juan Perón en Argentine. En 1973, la quasi-totalité du cône sud est sous la botte des militaires, au plus grand soulagement des États-Unis alliés, toujours en pleine psychose anticommuniste. C'est en août de cette même année 73 que naît le groupe de coordination révolutionnaire, ou JCR, qui regroupe le MIR chilien, le RP argentin, les Tupamaros uruguayens et le LN bolivien. Ses chefs, le chilien Miguel Enriquez et l'argentin Roberto Santucho, créent cet embryon d'une cinquième internationale. Leur but est de conduire le continent latino-américain à l'unité révolutionnaire en s'inspirant du Che et du libérateur vénézuélien Bolivar. Pour les renseignements des dictatures latino-américaines, c'est pain béni pour lancer les premiers assassinats ciblés. Le prétexte à la guerre sale est trouvé, les escadrons de la mort sont activés. Le 11 septembre 1973 marque la mort de la démocratie dans le cône sud. Le général Pinochet renverse le président socialiste chilien Salvador Allende et installe la première prison à ciel ouvert dans le stade national de Santiago, comme le montre ce documentaire pour l'ORTF réalisé en septembre 72. Desesperado aquí, esperando. No sabemos si están vivos o muertos. Si están vivos o están muertos. No sabemos nada. On ne sait pas si les nôtres sont vivants ou morts, on ne sait rien. Moi, je cherche mon frère, mon beau-père et mon beau-frère. Là, dans mon quartier, on nous a dit qu'on en a tué 30. Et maintenant, on nous dit qu'ils sont là dans le stade. Ce sont nos hommes, on n'a plus de quoi manger. Fin 1973, avec l'avènement de la dictature au Chili, le Condor peut enfin déployer ses ailes et foncer sur les opposants devenus proies. La police chilienne, police politique, la DINA du général Contreras, commence à collaborer avec la Triple A, Alliance anticommuniste argentine, escadron de la mort qui sème la terreur dans le pays. Côté argentin, le 15 avril 1974, le colonel Robert Servant, ancien du 5e bureau, spécialiste français des interrogatoires pendant la guerre d'Algérie, s'envole vers Buenos Aires et s'installe au quartier général de l'armée de terre. Il se lie d'amitié avec le lieutenant-colonel argentin Reynaldo Bignone, l'un des futurs hommes clés de la junte au pouvoir en 1976. Le 30 septembre 1974, coup d'éclat dans la coordination des renseignements. L'ancien ministre de l'Intérieur de Salvador Allende, Carlos Prats, et son épouse, réfugiés depuis septembre 1973 à Buenos Aires, sont assassinés sur le sol argentin. Une bombe, placée sous leur voiture, déclenchée à distance. Et comme prévu pour sa troisième phase, la machine infernale bien rodée en Amérique latine finit par atteindre Paris, où vivent des cibles, notamment des diplomates sud-américains. Le 19 décembre 1974, Paris donc. Il est 13h10 quand le colonel Ramon Trabal, 45 ans, garce à Berlin dans le parking souterrain de l'immeuble où il habite avec sa femme et l'un de ses enfants, rue du recteur Poincaré, dans le 16e arrondissement. Trabal avait largement participé à la guerre sale avant d'incarner un tournant nationaliste de gauche. Ce 19 décembre, l'attaché militaire à l'ambassade d'Uruguay en France et ancien chef des services de renseignement de son pays est assassiné de 8 balles de revolver. On a entendu 5 coups de feu. On a semblé que c'était des coups de feu, on l'a su par la suite. Vous travaillez juste à côté du parking? Juste en face, oui, juste à côté du parking. J'ai des camarades de travail qui ont aperçu deux jeunes, paraissant assez jeunes, qui se sauvait en courant dans la rue voisine, quoi. Le commissaire Ottavioli de la PJ a déjà pris l'affaire en main. L'organisation qui revendique l'attentat, la Brigade internationale Raoul Sendic, du nom d'un des leaders Tupamaro, explique que le colonel Trabal était chargé de la chasse aux réfugiés politiques et qu'il avait dirigé les services de renseignement militaire dans son pays, l'Uruguay. Les Brigades internationales Raoul Sendic revendiquent donc l'assassinat à ceci près que ce soi-disant commando n'a jamais existé. D'autant plus étrange que les services de renseignement français de l'époque ne prennent pas la peine de dévoiler au public l'identité des deux supposés terroristes de l'extrême-gauche qui auraient pu continuer à déambuler dans la capitale et faire d'autres victimes. Deux ans plus tard, les services de renseignement français s'avèrent tout aussi inefficaces. Quand, le 11 mai 76, l'ambassadeur de Bolivie, Joaquín Centeno Anaya, est retrouvé en pleine rue à Paris, gisant dans une mare de sang près de la station de métro Passy, avenue du président Kennedy, devant l'ambassade. Une infirmière sur place témoigne. L'homme marchait en direction de la RTF, un homme est arrivé vers sa hauteur, il s'est retourné et l'homme a tiré à bout portant. Mais à quelle hauteur a-t-il tiré? Bon, 5-6 cm, c'était très près de lui. Il a tiré à hauteur du visage? De face, devant, il a tiré. Et aussitôt, l'ambassadeur s'est écroulé. L'homme s'est écroulé sans rien dire, il est tombé. Et son agresseur s'est enfui en courant. Il a monté les escaliers, il se dirigeait vers le métro, très certainement. Il avait environ 35 ans, il portait des lunettes, il avait une barbe, et je crois un chapeau. Il était tout seul? Oui, il était tout seul, oui. L'arme de crime, un 7,65, encore. Cette fois, l'attentat est revendiqué par un anonyme, parlant français, sans accent, au nom de la brigade internationale Che Guevara, connue elle non plus ni d'Ève ni d'Adam. Une mascarade. L'enquête confiée à la DST et à Interpol conduit à un non-lieu. Mais une autre piste, exploitée par les journalistes argentins, mène vers une agence de mercenaires installée à Valladolid en Espagne, liée à des anciens de l'OAS. Le 8 décembre 1977, la religieuse missionnaire française Alice Daumont, qui vit depuis plusieurs mois dans un bidonville argentin, prie dans la petite église de Santa Cruz à Buenos Aires. Autour d'elle, les mères de la place de Mai, association de femmes argentines dont les enfants ont disparu depuis le début de la dictature de Videla. Une quinzaine d'hommes armés interrompent le recueillement. La religieuse française est enlevée. L'association aurait été infiltrée par le capitaine Alfredo Astiz, surnommé l'Ange de la Mort. Deux jours plus tard, c'est une autre religieuse, l'amie de sœur Alice d'Aumont, Léonie Duquet, originaire du Doubs, qui est enlevée chez elle. Toutes deux sont torturées dans les locaux de l'école mécanique de la marine, puis assassinées. Dans un reportage diffusé en 1985, un ancien tortionnaire, malgré lui, se souvient. Il était 11h du soir et j'étais de garde. Les deux sœurs sont descendues d'une camionnette, accompagnées du capitaine Astiz. Elles avaient une cagoule sur la tête et les mains attachées dans le dos. Y ahí son llevadas una vez vestidas, son llevadas, por supuesto. Après les avoir déshabillées, le lieutenant Astiz et le lieutenant Pernilla les ont prises violemment par les cheveux. Ils les ont traînées jusqu'à la plancha. La plancha, c'est une espèce de planche où on allonge les prisonniers, les mains et les pieds liés, pour commencer l'interrogatoire. Sous la torture. À la même période, fin 77, ce même capitaine Astiz, à l'origine de l'enlèvement et de la torture des deux religieuses françaises, est dépêché à Paris. Il doit animer le Centro Piloto, une structure intégrée au plan Condor, située avenue Georges Mandel, à Paris. Objectif officiel, diminuer la virulence de la campagne anti-argentine, donc assurer la communication de la junte au pouvoir. Ambition secrète, détecter parmi les exilés argentins les militaires infidèles. L'ange de la mort s'est fait alors appeler Alberto Escudero. Mais comment expliquer ces assassinats sur le territoire français et ceux d'exilés sud-américains à Paris dès leur retour en Amérique latine? Comment la capitale française a-t-elle pu devenir carrefour du plan Condor? Première révélation. Avec cette interview menée par Marie-Monique Robin pour son enquête de 2003, elle interroge le ministre de l'Intérieur du dictateur argentin Videla. Celui-ci reconnaît que le gouvernement français lui donnait des informations et en particulier Michel Poniatowski, son homologue français. Je dirais que les gouvernants les plus haut placés, la plus haute hiérarchie de la France, nous soutenaient. Mais pas à l'échelon inférieur, où la question des droits de l'homme a vraiment été un problème. Vous savez, l'opinion publique, le monde, sont pleins de gens qui penchent vers des idées progressistes de centre-gauche ou socialistes. Eh bien, Poniatowski est arrivé ici avec des lettres d'accréditation de l'armée française en nous proposant de collaborer et d'échanger des renseignements. Ce que nous avons fait. Des renseignements sur les subversifs, c'est ça? Oui, pour lutter contre la subversion. La deuxième révélation sur l'implication française côté Chili, c'est le général Contreras, bras droit de Pinochet, ponte du renseignement qui la livre avec fierté dans ce même film. Dans le cas de la France, les services secrets ont collaboré avec nous à plusieurs occasions. Ils ont collaboré parce qu'il y avait beaucoup de réfugiés à Paris, c'est ça? Oui, d'ailleurs, les services de renseignement nous informaient sur les activités de ces gens-là. C'est eux qui nous ont prévenus quand ils ont initié l'opération Retour. C'était quoi ça? L'opération Retour, c'est quand les terroristes ont décidé de rentrer au Chili. C'est comme ça qu'on l'appelait? Oui, ils ont appelé ça Opération Retour et nous aussi. Ils ont commencé à rentrer au Chili. C'était en quelle année, ça? Ça a commencé en 1978 et ça a duré jusqu'en 1980. Qui a collaboré, la police française, la DST ou la DGSE? La DST qui a le plus collaboré. Le documentaire « Escadron de la mort, l'école française » provoque un grand émoi en Amérique latine et particulièrement en Argentine. Car c'est quand même la première fois qu'un général reconnaît l'existence des disparus et l'utilisation de la torture. La journaliste a secoué la mémoire de tout un pays. Dans un état en reconstruction démocratique, on parle de commotion nationale. Une réunion de crise est organisée par l'état-major argentin et le ministère de la Défense dégrade les généraux dans l'attente de poursuites judiciaires. En 2013, à Buenos Aires, après 14 ans d'instruction, s'ouvre le premier procès Condor. 8 des accusés sont morts, dont le général Videla. Mais sur le banc, il y a quand même un gros poisson, Reinaldo Bignone. Après un procès de 3 ans, le dernier dirigeant de la junte militaire est condamné à 20 ans de prison. Vous êtes probablement nombreux, en fonction de votre âge, à avoir suivi la Coupe du Monde de football en Argentine à l'été 78. Souvenez-vous du Stadio Monumental, où s'est déroulée la finale. Souvenez-vous de ce général moustachu trônant raide comme une lance dans la tribune officielle, le général Videla. C'était là, pour lui et pour sa bande, le dernier succès, avant que son régime assassin et son successeur à la tête de l'Argentine, Galtieri, ne se lance dans l'aventure insensée de la guerre des Malouines. La faute de trop, qui précipitera la chute des régimes militaires d'Argentine, des pays gouvernés par une bande de tueurs pendant près de 10 ans. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'opération Condor avec notre invité, maintes fois cité, pour des raisons évidentes, dans ce récit, Marie-Monique Robin. Bonjour. Bonjour. Donc c'est à vous qu'on doit l'enquête en 2003 sur le plan Condor et l'implication de la France dans cette même opération. Parce que bien sûr, il y a l'horreur de ces régimes-là. Il y a l'horreur de ce cartel des assassins entre plusieurs pays. C'est choquant. Mmh. Mais alors, l'implication française, pour nous Français, elle est vraiment très choquante. Les députés verts Noël Mamère, Yves Cochet et Martine Billard ont demandé en 2003, après l'apparition de votre enquête, la constitution d'une commission d'enquête parlementaire sur l'implication française. Ben, c'était un échec, puisqu'elle a été rejetée par le Premier ministre d'alors, M. Édouard Balladur. Alors, il n'était pas Premier ministre, il était président de la Commission des Affaires étrangères à l'époque. Ah, d'accord. C'était après avoir été Premier ministre. En après fait, parce qu'on est en 2003. Mais oui, 2003, voilà. c'est pas 93. Voilà, voilà, évidemment. Tout à fait. Et oui, c'est très, très intéressant parce que cette demande est faite, qui est tout à fait légitime. Je rappelle quand même que dans ces mêmes années, 2004, c'était au moment où sortait mon livre éponyme, il y avait les photos d'Abu Ghraib, tu sais, vous savez, dans la prison irakienne. Et y compris les Français, tout le monde s'était ému. Quelle horreur. La torture, quelle horreur. Et quand moi je fais ce film et ce livre qui montre comment, vous l'avez très bien résumé, expliqué dans votre introduction, dans votre récit, eh bien, il ne se passe rien. Et j'ai devant ma caméra Pierre Messmer, ancien ministre donc des armées, comme vous l'avez dit. J'ai général Ossarès, j'ai des généraux argentins, j'ai des généraux américains, et Bijard, enfin... Il ne se passe rien. Il n'y a que deux journaux qui en parlent à l'époque, Télérama et Le Monde. Et je ne suis même pas auditionnée, parce que donc il y a une demande de commission d'enquête. Le rapporteur, qui s'appelle Roland Blum à l'époque, ne juge même pas bon de m'auditionner. Et il y a un compte-rendu sur le site du Sénat, où on voit que donc Balladur, qui préside cette commission, dit alors « Bah non, il n'y a pas de raison. Hein. » Enfin voilà. Et Noël Mamer lui dit « Mais quand même... » Pierre Messmer confirme, parce que l'un des arguments, c'est qu'il n'y avait pas d'accord militaire entre la France et l'Argentine, ce qui est faux. Donc ils n'ont même pas pris la peine de regarder le film, parce que moi je montre les documents que j'ai donc retrouvés. Et Balladur dit « Ah bon, Pierre parle dans le film ». Tout ça, c'est rapporté sur le site du Sénat. Donc le déni, mais c'est assez caractéristique de notre pays, le déni. Bien sûr. Et puis ce que j'appelle l'omerta légale. Vous voyez, une omerta qui frappe tout le monde. On n'a jamais été capable dans notre pays d'affronter... Eh bien, toute cette histoire coloniale qui n'est pas très belle. Et je rappelle que Édouard Balladur connaît bien Pierre Messmer, parce que quand Édouard Balladur était au cabinet de Georges Pompidou, Pierre Messmer était ministre de l'Intérieur, en 1913 en tout cas. Tout à fait. Alors, 16 ans après la publication de l'enquête, 17 ans maintenant, toujours rien du côté de la reconnaissance de la France. Non, rien du tout. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'un jour, je reçois un coup de fil d'un huissier du Sénat qui me dit « Vous avez rendez-vous tous les jours à telle heure, on va vous remettre le laurier du Sénat pour le meilleur documentaire politique. » J'ai cru que c'était un gag, mais ce n'était pas un gag. Mmh. Et voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle les lauriers du Sénat qui sont remis par un jury de professionnels. Donc j'y vais et c'est Bernard Stasi, je lui rends hommage, parce que maintenant il est mort, n'est-ce pas, ancien ministre, qui était à l'époque médiateur de la République, qui m'a remis le prix et qui a fait un discours, je cite, qu'il a dit très court, mais il a dit « J'ai honte pour la France. J'espère que nous aurons le courage de faire toute la lumière sur cette face cachée de notre histoire pour que nous ayons enfin le droit de nous revendiquer comme la patrie des droits de l'homme. » C'est le seul homme politique qui a eu ces mots encourageant à ce qu'on fasse la lumière sur notre histoire. Dites-moi, c'est vraiment ce qu'on appelle une affaire sensible, pour le coup. Ah oui, très sensible. On n'a pas parlé de l'Église catholique pendant le récit. Je rappelle quand même les accointances de l'Église catholique avec les dictatures d'extrême droite, plus à démontrer, Franco, l'hospitalité accordée à des nazis ou des collabos en fuite dans tel ou tel monastère, ici et là, le soutien aux dictatures sud-américaines, une doctrine forgée par le rejet et la peur du communisme athée. Ouais. Et tiens donc, il est aussi question dans votre enquête de l'influence des catholiques traditionnalistes. Ah oui, tout à fait. Expliquez-nous. Ça joue un rôle capital. Alors, celui qui est derrière tout ça, c'est un certain Jean Housset, qui en 1947 a été d'ailleurs secrétaire de Maurras, c'était l'Action française, donc l'extrême droite française, et qui en 1947 crée la Cité catholique. Alors la Cité catholique, ça porte un nom, aujourd'hui ça existe toujours, alors c'est un nom un peu compliqué, centre de formation à l'action civique et culturelle selon le droit naturel et chrétien, n'est-ce pas? C'est considéré comme la branche française de l'Opus Dei, je rappelle que l'Opus Dei, vous savez, ça a été créé par... La partie conservatrice créée en Espagne. Voilà, en Espagne, d'ailleurs celui qui l'a créé, Balaguer, il était le directeur de conscience de Franco et de Pinochet, bon voilà. Et Housset, c'est vraiment, Jean Housset a joué un rôle capital, véritablement. C'est vraiment le chef d'orchestre de la contre-révolution. Il a créé une revue, Verbe. Il avait des aumôniers qui, partout en Algérie, essayaient de remonter le moral. Vous voyez, des militaires français qui torturaient, mais il faut quand même le dire, beaucoup à contre-cœur, entre guillemets. Et donc, ils ont justifié l'usage de la torture avec des arguments issus de l'Inquisition espagnole. En disant, en gros, c'était ça l'argument, quand on a un terroriste entre les mains, il faut quand même savoir que tous ceux qui sont passés par les mains des tortionnaires français, il y avait des militants du FLN, bien sûr, mais il y avait l'instituteur de la Casbah qui était soupçonné de prêter... Enfin, vous voyez, il y avait plein de gens qui étaient des innocents. Évidemment. Et donc, quand on a entre les mains un terroriste, le meilleur moyen de sauver son âme, d'un point de vue catholique, c'est de le tuer, donc voilà, c'est ce qu'il faisait, et justifier l'usage de la torture par ses arguments. Et Jean Housset a créé une Ciudad Católica à Buenos Aires, où ils ont également publié une revue El Verbo. Et donc, il y a toute une liaison entre les ultra-catholiques. Alors, c'est là aussi qu'avait Monseigneur Lefebvre, vous savez, chef des intégristes, qui avait un couvent, plusieurs couvents d'ailleurs en Argentine, qui soutenaient la cité catholique. Donc, dans cette cité catholique, on retrouve tous les généraux qui seront dans le putsch des militaires français, vous savez, du 21 avril 1961, le général Chassin, Salon Jouot, tous ces gens-là seront tous... Voilà. Et ils sont vraiment... ils incarnent... En fait, la doctrine française, qu'on appelle la Escuela Francesa de French School, l'école française de la guerre antisubversive, elle a vraiment deux mamelles, si j'ose dire. D'un côté, c'est un outil pratique constitué de techniques de guerre contre-révolutionnaire, vous l'avez très bien expliqué, développé à partir de l'Indochine et de l'Algérie, dont la bataille d'Alger constitue la matrice. Oui. Mais c'est aussi une idéologie qui est le national catholicisme, qui est bien sûr matiné d'un anticommunisme virulent. Vous dites bien sûr matiné, c'est vraiment fondamental. C'est fondamental. Ah oui, c'est ce qui fait l'anticommunisme. C'est ce qui fait que régime athée. Donc voilà. Voilà, et qui défend évidemment les valeurs de l'Occident chrétien. Ce qui fait qu'un général Ossarès, parce que moi, ça a toujours été d'énigme pour moi. J'ai rencontré Bijard, ils sont tous morts maintenant, général Ossarès, qui étaient des résistants hors pair. Ouais. Excusez-moi qu'il en avait des coronés, vraiment. Ossarès, il saute avec un uniforme d'allemand. Enfin, derrière les ennemis. Ouais. Vraiment. Ouais. Qui ont lutté contre le nazisme, quoi. Et moi, j'arrivais pas, je leur disais, mais comment vous êtes devenus vous-même tortionnaires? Anticommuniste, peut-être. Oui. Simplement. C'est l'idéologie. Là, on voit vraiment à quel point l'idéologie, elle est vraiment, elle pourrit l'âme, totalement. Et on est bien dans encore un énième épisode de la guerre froide. Tout à fait. Ils sont en plein là-dedans et ils sont persuadés que l'ennemi communiste va, c'est la cinquième colonne, enfin, vous voyez, tout ça. Et c'est la grande angoisse de cette époque et ça va faire que ces hommes-là vont devenir des tortionnaires sans aucun état d'âme. Moi, j'ai jamais réussi. Vous savez, j'aurais aimé quelque part que tous ces généraux que j'ai interviewés, aussi bien en Argentine, à un moment, ils disent, on a décodé, parce que je sais pas, on se dit quelque part, il y en a bien un qui va dire, non. Notre récit concernait l'implication française dans le plan Condor, ça paraît clair. Mais question implication, il y a un morceau de choix, évidemment, les États-Unis, puisque on est dans une guerre anti-subversive, donc anti-communiste, il faut dire les choses. Donc Washington est au courant de la mise en place de cette opération Condor, ça ne gêne pas Washington, loin de là. Et le soutien, comment il se manifeste, le soutien américain? Alors, une chose qui n'est pas vraiment su non plus, c'est que Ossarès, vous l'avez dit, il est allé à Fort Bragg, mais pas seul. Donc c'est Pierre Messmer, qui à l'époque donc ministre des Armées, qui va choisir les meilleurs exécutants, c'est le mot qu'il utilise quand je l'interviewe, sous-entendu les meilleurs tortionnaires de la guerre d'Algérie, qui vont partir former, y compris les militaires américains, à l'école du Panama, à Fort Bragg, à Fort Benning, notamment Ossarès. Et c'est là que, finalement, aussi sous l'impulsion de Kennedy, qui avait très peur aussi, lui, du communisme, et qui avait peur, c'était ce qu'on appelait la théorie des dominos, vous savez, ils vont tous tomber les uns après les autres dans l'escarcelle de l'Union soviétique. Eh bien, il va faire un voyage d'ailleurs en Algérie, Kennedy, on le sait peu, et c'est lui qui, avec McNamara, va faire venir, donc, et un accord avec Pierre Messmer, tous ces militaires français qui ont été formés en Algérie. Et ils vont donc transformer leur doctrine militaire, les Américains. C'est-à-dire qu'avant, ils craignaient une attaque de l'Union soviétique, vous voyez, avec un front, enfin, la guerre classique. Et là, ils vont se convertir à ce qu'on appelle la guerre de basse intensité, où l'ennemi... Par pays interposé. Voilà, et où l'ennemi est un ennemi interne. Vous comprenez, dans cette conception de la guerre antisubversive, l'ennemi n'est plus celui qui est de l'autre côté de la frontière avec un uniforme, vous voyez, un drapeau. Là, ça peut être votre voisin, votre... En fait, il y a deux choses. Il y a par pays, souvent d'ailleurs des pays en voie de développement, interposés, et à l'intérieur. Voilà. En fait, il y a deux fronts, finalement. Tout à fait. Et c'est... Alors, voilà, donc le rôle des États-Unis. Alors, ensuite, évidemment, les Américains, vous savez comment ils font, ils ont tout pompé de la doctrine française, et après, ils ont développé ça au centuple, notamment avec leur doctrine de la sécurité nationale. Et c'est au nom de la sécurité nationale qu'Henry Kissinger, qui a joué un rôle, vous l'avez dit aussi, absolument capital dans cette histoire, va soutenir l'opération Condor. Tous les documents déclassifiés grâce au président Clinton au moment où il quitte le pouvoir, 16 000 documents, notamment de la CIA, du Pentagone, etc., prouvent que les États-Unis étaient au courant des assassinats en France dont vous avez parlé, dans votre récit, n'est-ce pas, étaient au courant de ce qui se passait, quoi. Et ça s'arrête avec l'élection de Jimmy Carter en 1976, et qui va dire stop. Ouais. Mais évidemment, les États-Unis ont soutenu toute l'opération Condor. Voilà. Mais c'est pas eux qui sont à l'origine et la genèse, c'est ça la différence. Oui, bien sûr, j'ai bien compris. Mais ne dites pas quand même que, ou peut-être que si, que l'école française va jusqu'à Guantanamo. Ah mais bien sûr que si. Ah bah, c'est la fin de mon livre, bien sûr. Oui. Partout, c'est pour ça, j'ai fait semblant de pas savoir. C'est incroyable, c'est partout où on va lutter contre le terrorisme, aussi bien en Irlande, la Grèce des généraux, vous, la liste est longue, le Rwanda, j'en parle, voilà, ce sont les militaires français qui ont formé les milices Hutus qui vont ensuite massacrer les Tutsis. Vous parlez de la guerre d'Irak. Moi, j'ai fait un film Torture Made in USA. Où, vous savez, on a représenté pour la énième fois à des militaires américains qui allaient partir en Irak, donc on est dans les années 2000, le film La bataille d'Alger, du pauvre Pontecorvo. Moi, j'ai eu Pontecorvo, il est mort maintenant. Il était désespéré. Mais bien sûr, on l'a dit. Mais on oui, l'a bien dit. Sûr, désespéré. Donc, pareil. Et ils ont ressorti le débat sur la torture avec la guerre moderne, retraduite de nouveau aux États-Unis du colonel Trinquet, pour justifier le fait que quand un terroriste agit, il ne respecte pas les lois de la guerre, parce qu'il n'a pas d'uniforme, enfin, et voilà. Et donc, on n'est pas obligé de lui appliquer les lois de la guerre, et notamment les conventions de Genève, et notamment la troisième convention qui interdit l'usage de la torture. Et c'est encore une fois l'école française, je le raconte dans mon livre, qui inspire Bush, et puis tous ceux qui sont autour de lui, les faucons, hein, ah oui. qui vont développer Rumsfeld, etc. La théorie du bien et du mal. Oui, mais aussi le fait que la torture peut être une arme. Donc Guantanamo. Voilà, d'accord. Bien sûr. Je pense à une autre ex-grande puissance coloniale, voisine, la Grande-Bretagne. Je veux dire, est-ce que l'école française est une spécificité, ou est-ce que les Anglais, par exemple, avaient aussi ce genre de Alors, méthode la différence avec la Grande-Bretagne, véritablement, c'est qu'ils ont, notamment en Malaisie, développé des guerres contre révolutionnaires, mais ils n'ont jamais fait ce qu'ont fait les Français, c'est-à-dire théoriser à l'école de guerre, avec des articles, vous l'avez dit, Charles Lacheroy qui fait des conférences, etc., avec des outils de communication, former. C'est très intéressant de voir l'école de guerre, qui est passée par l'école de guerre dans les années 50, c'est tous ceux qui seront des tortionnaires ensuite, y compris l'Iran, l'Afrique du Sud, enfin des gouvernements dictatoriaux. C'est vraiment la grande différence. D'ailleurs, les Anglais feront appel aux Français quand il s'agira de mener la guerre en Irlande, notamment. Je le raconte aussi, bien sûr. Attendez, vous me dites bien sûr, mais c'est saisissant. Ah bah oui, bien sûr, c'est saisissant. En Grèce, Trinquet est allé aussi en Grèce. Vous l'avez raconté récemment au Katanga, au Congo. Moi, j'ai Pierre Messmer qui me dit oui. Je le dis dans mon interview qu'il a effectivement envoyé le colonel Trinquier, Yves de la Bourdonnais qui est mort maintenant, ou Roger Folk. Qu'on soupçonne aussi d'avoir assassiné, comme vous l'avez très bien raconté récemment aussi, l'ancien secrétaire des Nations Unies, Monsieur H, n'est-ce pas ? Donc voilà. Amarchold, oui, c'est vraiment une page de notre histoire très très méconnue. Et moi, je trouve dommage, enfin, je dis pour faire le lien avec aujourd'hui, tant que nous serons dans le déni de ce que nous avons fait, j'ai dit nous en tant que nation, parce que je rappelle que ces militaires n'ont pas agi en électron libre. Hein, bien sûr. Massu a eu les pleins pouvoirs et ça a été voté par le Parlement français, n'est-ce pas ? Donc, on peut pas. Enfin, on a. Nos hommes politiques et les militaires ont tous une responsabilité là-dedans. Eh bien, tant qu'on ne fera pas ça, on ne pourra jamais régler ce passé et ça se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, nous avons en France les descendants de tous ceux qui ont subi les forfaits, vous voyez, de ce que nous avons fait en Algérie. Bien sûr. Et je pense que l'histoire, elle est là pour ça, elle est là pour éclairer le présent et le futur, on en a besoin. Il faut avoir le courage de l'affronter. Quelles ont été les réactions à votre documentaire, à votre travail en Amérique du Sud et particulièrement en Argentine ? Ah, ça a été dingue. Franchement, moi je m'y attendais pas en fait parce que vous savez, c'était un énorme travail de réussir à convaincre les généraux argentins parce que j'ai eu le dernier chef de la junte devant la caméra, vous l'avez dit, Arguindegui, ministre de l'Intérieur. J'ai eu Diaz Bessonnet qui était l'un des généraux vraiment idéologues de la junte, tous élèves des Français, et il a fallu que je me fasse passer. J'ai dit que j'étais une historienne d'extrême droite, parce que vous pensez bien que ces gens-là, on les a pas facilement devant une caméra. Imagine, ouais. Et j'ai réussi à les avoir devant la caméra. Et je me rendais pas compte, mais quand ces interviews sortent en Argentine, mais ça a été, vous l'avez dit, on a commotion nationale, conseil de guerre, ils ont été dégradés, tous ces généraux. C'est la première fois, on a appelé ça la confession. Voilà. C'est la première fois que sous couvert de dire oui, les Français, c'est eux qui nous ont appris toutes les techniques de la guerre antisubversive, c'est-à-dire renseignement égale torture égale disparition égale escadron de la mort, hein, parce que c'est ça la doctrine française, eh bien, pour la première fois qu'ils reconnaissaient que les disparitions dont ils disaient qu'elles n'avaient pas existé, que c'était des morts au combat, que certains avaient été partis clandestinement au Mexique, c'était planifié, n'est-ce pas ? Parce qu'ils l'avaient appris des Français. Bien sûr. Marie-Monique Robin, je voudrais, alors c'est hors sujet, mais c'est vous qui êtes là, donc je voudrais signaler votre dernier documentaire. Il est en salle, ça s'appelle Nouvelle Cordée, alors rien à voir avec l'Argentine. Non, ce film porte sur l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée lancé dans l'agglomération de Mauléon, c'est dans les Deux-Sèvres. Vous avez 30 secondes pour nous faire un pitch, nous donner envie d'aller. Ah bah c'est super, c'est une histoire magnifique. On voit comment des anciens chômeurs de longue durée, maintenant ils sont 90, ont créé une entreprise extraordinaire, qui est pour moi vraiment un laboratoire d'innovation sociale, économique et écologique. Et voilà, c'est sorti au cinéma le 21 novembre. Et ça circule partout en France, j'en suis contente. Parce que vous savez, moi j'ai beaucoup soutenu les lanceurs d'alerte, tous ceux comme les Martine Almada, dont vous avez parlé, etc. Et maintenant je soutiens les lanceurs d'avenir. Merci Marie-Monique Robin pour vos éclairages et vos témoignages. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'opération Condor, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui, puisque nous sommes vendredi. J'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Jean Bulot, Jeanne Maillère et Constance Villanova. Attaché de production, Valérie Priollet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Coyenne Guyenne, Hélène Bisio et Benjamin Riquet. Lecture, beaucoup de comédiens cette semaine. Philippe Pierrard, Cécile Rimbaud-Cayol, Marianne Thierry et Damien Prévost. Attaché de production, Valérie Priollet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Je crois que j'ai oublié personne. Maïf. On me dit souvent, oui, il faut savoir lire entre les lignes. Bah, dans une poésie, ça se comprend. Mais l'autre jour, j'ai lu pour la première fois un contrat d'assurance. Ah bah, j'ai rien capté. Donc imagine lire entre les lignes un texte auquel t'as rien compris. Du coup, moi, je me suis inscrite en fac de droit. Je commence demain. Allez, je vous tiens au jus. À la Maïf, pas besoin de devenir juriste pour être assuré. On vous propose spontanément les garanties auxquelles vous avez droit. Numéro 1 de la relation client depuis 20 ans. Maïf, assureur militant. Dans les conditions et limites du contrat. Lauréat assurance de 2004 à 2024. Enquête annuelle Bering Pointe Cantar réalisée auprès de 4000 personnes.